بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخوض الحديث 47 حديث من كتاب الصلاة من باب المواقيت. Donc l'auteur il dit عن أبي منهل سيار بن السلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الحاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس عية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى مئة. Donc selon Abu Minhal, Yassar ibn Salama, qui est un tabi'i, il a dit, je suis rentré moi ainsi que mon père chez Abu Barza al-Aslami, sahabi. Mon père lui a dit, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la salat prescrite, c'est-à-dire obligatoire parmi les cinq quotidiennes. Il a dit, il faisait al-hajira, ce que vous appelez la première, c'est-à-dire salat al-dhuhr, au moment où le shams, le soleil, yani redescendait après le zénith. Puis, l'un d'entre nous revenait à sa maison, à l'autre bout de la Médina. Après, il faisait le Asr, la salat du Asr. Puis, l'un d'entre nous revenait à sa maison, à l'autre bout de la Médina, alors que le soleil était encore lumineux et chaud. Et j'ai oublié ce qu'il a dit pour le Maghrib. Et il aimait retarder le Isha, ce que vous appelez Al-Atama. Et il détestait de dormir avant le Isha et de parler après le Isha. Et il finissait la salat du Ghada, c'est-à-dire le Fajr, au moment où l'homme arrivait à reconnaître son voisin à côté de lui. Et il récitait de 60 à 100 versets. Non. فقال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى راويان les deux rapporteurs sont en premier lieu Abu Minhal سيار ابن السلامة الرياحي البصري رحمه الله ثقة من التابعين مات سنة 29 و100. Donc le premier c'est un tabi'i, ceux qui ont rencontré les compagnons, la génération d'après les compagnons. Et il était de Al-Basra رحمه الله, il était fiable. Et il est mort en l'an 129. Et Abu Barza Nadla, son prénom c'est Nadla, Ibn Ubaid, ou Ibn Abdullah, Al-Aslami, Aslama wa Shahida Fath Khaybar, wa Mekka wa Ta'if. Donc il s'est converti à l'islam et qu'il a participé à la conquête de Khaybar, ainsi qu'à la prise de Mekka et de Ta'if. Fakatala ibn Khatal, am al-Fath, wa huwa muta'allakun bi astar al-Ka'ba, bi amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est lui qui a tué ibn Khatal l'année de la conquête de Mekka, alors qu'il était accroché au rideau de la Ka'ba, au tissu de la Ka'ba. Et cela sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nazala al-Basra, thumma sara ila Khorasan, فشهد قتال الخوارج في أحواز ثم مات في مورس سنة 65. Ensuite il s'est rendu à Basra. Ensuite il s'est rendu à Khorasan. Et là-bas il a participé au combat contre les Khawarij. Et il est mort en l'an 65. يقول موضوع الحديث بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة Donc ce hadith vient pour montrer à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les cinq salats quotidiennes. Ni pour définir quelque chose de leurs horaires, certains signes des horaires. يقول أولا في شرح الإجمالي explication globale du hadith. كان التابعون رحمهم الله يتساءلون متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس ولا على ذلك ولا على سبب ذلك أن بعض الأمراء كانوا في ذلك الوقت يؤخرونها. Donc les tabi'un s'interrogeaient à propos de l'horaire des salats accomplis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause de cela était probablement du fait qu'à leur époque, certains parmi les gouverneurs retardaient la salat et la sortaient de son temps. Donc eux, ils voulaient savoir comment est-ce qu'on fait la salat, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son temps. Wa fi hadhihi al-hadith kana as-su'al li Abi Barzah al-Aslami min Salamat ibn Riyahi, ahad at-tabi'in yas'aluhu mata kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli as-salawat al-mafruḍah. Donc dans ce hadith, il nous montre que justement ce tabi'i qui est Sayyar ibn Salama, il interrogeait Nadl, c'est-à-dire Abu Barza, à ce sujet-là, à quel moment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait ses salawat. Fabayyana anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli adh-dhuhr hina tazul ash-shams wa yubadir bi salati al-'asr. طيب. Et qu'en premier lieu, il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le dhuhr après le zénith. Au moment où le soleil est le plus haut, il commence à redescendre. Ou plutôt à se retourner vers le couchant. C'est, on va dire, le moment après que l'ombre est disparue qu'elle commence à réapparaître. Et à s'allonger. Donc, il y a pas à dire que le salat est l'asr. Hatta inna rajula la yalji'a ila manzili fi aqsa al-madinati wa shamsu لم تزل تحتفظ ضوءها وحرارتها. Et qu'il se hâtait à faire le asr, à tel point que lorsque l'homme finissait la salat, il rentrait chez lui, dans sa maison qui était à l'autre bout de la Médina, alors que le soleil avait encore sa lueur et sa chaleur. Il n'a pas encore jauni et il n'a pas commencé à se refroidir. وبينا متى يصلي المغرب ولكن نسي أبو منهل. Et il lui a également montré à quel moment il a fait la salat du Maghrib. Cependant, Abu Minhal a oublié. Le tabi'i, il a oublié ce que lui a dit le sahabi. وَلَمْ يَفْسَحْ أَبُو بَرْزَةَ مَتَى كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاء وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَرْغَبُ فِي تَأْخِيرِهَا. Également, Abu Barzah ne lui a pas montré, ne lui a pas défini à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'Isha exactement, mais il lui a indiqué qu'il aimait la retarder. وَمَّا صَلَاتِ الْفَجْرِ فَكَانَ يُبَكِّرْ بِهَا حَتَّى إِنَّهُ يَنْصَلِفُ مِنْهَا حِنَا يُمَيِّزُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ فَقَتْ مَعَ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ كِرَاءَةَ فِيهَا حَيْثُ يَقْرَأُ بِسِتِّينَ آيَةً إِلَى مِيَةٍ آيَةٍ. Donc il a dit, il lui a montré également, à propos du Fajr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait tôt également, et qu'il la finissait au moment où l'homme qui a fait la salat voyait son voisin à côté de lui. Seulement, il ne voyait pas qui était à côté, le deuxième ou le troisième. Il voyait juste l'homme qui était à ses côtés, dans l'obscurité. Malgré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rallongeait la lecture, à tel point qu'il lisait entre 60 et 100 versets. Et à bien comprendre, lire entre 60 et 100 versets, ce n'est pas des versets comme par exemple dans les sourates longues, comme Al-Baqarah ou Nisa ou autres. Ce sont les sourates comme des versets courts, comme par exemple Sourate Ar-Rahman, par exemple, ou Tour, ou des versets aussi courts que ceux qui sont dans Sourate Al-A'la, par exemple. Des versets courts. C'est ça qui est voulu par là. قال وقد استطرد أبو برزة رضي الله عنه في الحديث فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه إن استغرق فيه فاتت الصلاة وإن قطعه قام وهو كسلان. Donc il est également cité que le prophète صلى الله عليه وسلم n'aimait pas dormir avant le Isha, car si jamais il dormait, il prenait un sommeil profond, il va rater la salat. Et si jamais il se réveille, juste avant la salat, il va se réveiller en étant paresseux. C'est-à-dire un sommeil lourd. Donc le meilleur, c'est de ne pas dormir. Bien évidemment, ça c'est une chose qui est détestable. Mais des fois, dans le besoin, cela est permis. D'accord, cela est permis. Celui qui est malade, celui qui a une grande fatigue, d'accord, c'est permis. C'est juste que le Nabi Salem, par précaution, ne le faisait pas. Et celui à qui cela arriverait, et qui n'a pas fait exprès pour pouvoir rater la salat, alors il fait sa salat quand il se réveille. C'est ça la kafara d'une salat dans laquelle on a dormi malgré nous, c'est de la faire au moment où on se réveille. Wa kaza. Wa yakra'u al-hadith ba'daha. لأن قد يفضي إلى السهر الدار بالجسم المعوق عن الصلاة الفجر وقيام الليل. Et qui détestait également, il détestait parler après la salle du Isha. Car cela pouvait amener, justement, à veiller la nuit ou à tarder la nuit. Chose qui nuit au corps et également qui peut empêcher de se lever pour faire le fajr et pour faire qiyam al-layl, la salade de nuit. Qui elle n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna mu'akkada. Une sunna qui est sûre. Taïb. Qala fi fawaid al-hadith. Enseignement utile du hadith. Hirs al-salaf ala ma'rifat al-sunna min ajli ittiba'iha. Que les salaf se soucier justement de connaître la sunna afin de pouvoir l'appliquer. ثانيا مشروعيه المبادرات في صلاه الظهر والعصر والفجر من اول الوقت. Et qu'il est légiféré justement de se hâter à faire la salat du dhuhr et du asr du fajr au début de son temps. Et le maghrib également. Cependant, exception faite, c'est comme il va dire maintenant troisième, مشروعيه التاخير في صلاه العشاء. Qu'il est légiféré de tarder le Isha. C'est même recommandé pour celui qui peut et sur qui cela n'amène pas de difficulté pour les gens. Sinon, là-bas, c'est l'affaire en premier, au début de son temps. Comme on avait dit que c'était les œuvres préférées auprès d'Allah Azzawajal, à Salat dans son temps et au début de son temps. Mais le Isha fait exception. Et la Sunna, c'est de la retarder tant que cela n'amène pas, comme on l'a expliqué, à des difficultés pour les gens. رابعا مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر qu'il est légiféré de rallonger la lecture dans la salat du fajr. خامسا كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها et qu'il est détestable justement de dormir avant l'Isha et de discuter après l'Isha. Et cela s'amène à faire un tambih pour ceux qui justement souvent après l'Isha restent près du masjid ou vont, s'en vont en deux occupations, entre frères, et se mettent à discuter longtemps. Ça, c'est khilaf al-sunna. Ça, c'est khilaf al-sunna. D'accord? On l'avait souvent remarqué, même auparavant, nous-mêmes, nous le faisions, qu'elle nous pardonne, avant de se rendre compte de l'importance de ce genre d'enseignement. Après le Isha, les frères se regroupent, près du masjid, et ils discutent de tout et de rien, et tardent à rentrer chez eux. Wa kadhalik, ce qui peut prendre le même jugement, c'est le fait d'aller sur Internet ou d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller débattre et polémiquer avec les gens ou autres. Tout cela rentre dans également ce jugement. Car le fait de discuter après le Isha, ce n'est pas seulement le fait de parler avec des gens en cours, c'est tout ce qui amène également, qui est détestable, à t'occuper, te distraire, qui t'empêche d'aller te coucher tôt. Maintenant, des fois, c'est permis. Car dans un hadith, c'est venu « Al-sahar bil-ilm ». Le fait de tarder pour le rythme, une chose qui est profitable. Ou lorsqu'il y a des invités qui viennent, ou des fois tu veux rentrer auprès de ta famille, et tu veux la Bethelen, elle ne t'a pas vu depuis longtemps, réalise Alika où tes enfants jouent un peu avec eux, c'est permis tout ça. D'accord? Mais si on ne trouve pas de faïda réelle, alors c'est à éviter. D'accord? C'est à éviter. Mais tarder pour le rythme, talab al-ilm, Bethelen, ou il y a un des s'appelle Isha, tout ça, ça ne prend pas ce jugement-là. C'est permis. Et ça peut même être recommandé. Car l'intérêt, la maslaha est plus grande. La maslaha est plus grande. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait recommandé à Abu Hurayra de faire le witr en début de nuit et de faire deux rakats du doha. Pourquoi? Car il savait que si il avait conseillé à Abu Hurayra de faire le witr en fin de nuit, vu qu'il tardait à se coucher, lui, car il révisait les hadiths par rapport au ilm, peut-être qu'il ne se réveillerait pas pour faire le witr avant que le fajr ne se lève. Donc c'est ça qu'il lui a conseillé de le faire en début de nuit. Celui qui sait qu'il aura un sommeil lourd et qui craint de ne pas se réveiller en fin de nuit, qu'il le fasse en début de nuit. Mais la sunna dans Qiyam al-Layl, c'est début de nuit, milieu de nuit et en fin de nuit. Les trois, c'est la sunna. Mais le fin de nuit est meilleur car c'est le hadith dans lequel Allah Azzawajal descend au ciel de la dunya et de là, les invocations, elles sont exaucées. Adam, wa illa, faman ahabba an yakuma fi layl, falaw laylu, kullu, min ba'di isha, ila qabl tulu' al-fajr. Celui qui veut faire Qiyam al-Layl, il a toute la nuit pour le faire quand il veut. Après qu'il ait fait le isha, directement, ou juste avant le fajr, ou au milieu de nuit, ou akada. Non. Donc, parmi justement le suivi de la sunna, suivre ce genre d'enseignement, et ne pas tarder après le isha, et discuter vainement, et futilement, et perdre son temps. Avec des choses qui n'apportent aucun profit, qui peuvent même parfois amener à des péchés. Et là, on parle de choses, de gens qui se préoccupent avec des choses qui seront minimum permises. Alors que dire de gens qui parlent dans des choses qui sont interdites, qui perdent leur temps dans des choses qui sont interdites, qui sont illicites, et réalisent les cas. Dans le sixième enseignement, إِنَّ الْأَوْلَى تَسْمِيَةَ الشَّيْءِ الشَّرْعِ بِاسْمِهِ الْوَارِدِ فِيهِ لِأَلَّا يَجْهَرْ فَيُجْهَرْ أَوْ يُجْهَرْ فَيَجْهَلْ ثُمَّ يُوَضِّحْ بِالْإِسْمِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ النَّاسِ. Et qu'il est meilleur justement de nommer les choses selon leur nomination légiférée. D'accord ? Afin que les gens ne le délaissent pas. Ça veut dire tu nommes la chose et après tu éclaircis ce que tu veux dire par là pour que les gens comprennent de quoi tu parles. Comme il a dit par exemple, en parlant de l'Isha, il a dit vous l'appelez Al-Atama. Car Al-Atama chez les Arabes, c'est comme ça qu'ils appelaient l'Isha auparavant. Donc pour que la personne sache de quoi tu parles, il te dit l'Isha, ce que vous appelez l'Atama. Mais il précise bien qu'à la base, cette salade s'appelle l'Isha. Ben, c'est pareil dans les choses qu'on parle avec les gens. Souvent, on a tendance à changer les termes légiférés. Par exemple, les gens vont dire Muqabala au lieu de dire Khidba lorsqu'on veut faire une rencontre avec une femme pour se marier. Ça s'appelle Khidba, ça s'appelle pas Muqabala. Ou Kazalik, sujet qu'on aborde souvent, ceux qui citent les noms des Anbiya, des prophètes, ils disent leur nom comme ils ont été cités dans les kitabs des gens du livre en francophone. Ils vont pas dire Daoud, ils vont dire David. Ils vont pas dire Ibrahim, ils vont dire Abraham. Ils vont pas dire Issa, ils vont dire Jésus. Ça, c'est erreur tout ça. Toi, tu donnes le nom légiféré en premier lieu, connu, et ensuite tu éclaircis s'il y a besoin la personne. Par exemple, tu dis Issa, celui qui est connu sous le nom de Jésus. Mais tu ne viens pas directement Jésus a dit, ou Abraham il a dit, ou Noé il a dit, ça c'est khata ça. Car dans le Coran, Allah ne nous a pas nommés de la sorte. Ce ne sont pas leurs prénoms. Donc toi, tu enseignes aux gens. Tu leur dis c'est quoi leur vrai prénom. Comme Allah les a nommés dans son livre. Et après, comme on l'a dit, l'abaisse que tu éclaircisses pour ceux qui ne savent pas de quoi tu parles. Naam. Fa'adha al-lazi khadna al-yum. On a fait un bihada, wa alhamdulillahi rabbil alamin.